Pourquoi la réparation est-elle au cœur de la justice? Lorsqu'un tort est commis à l'égard d'un être humain par un autre, nous avons irrésistiblement le désir, le besoin, l'urgence de le réparer. Par réparer, nous entendons quelque chose à la fois d'absolu et de très précis, qui donne lieu à ce qu'on appelle la justice réparatrice, la justice correctrice, qui depuis l'Antiquité, depuis Aristote, est au cœur de l'idée de justice. Mais il y a d'abord quelque chose d'absolu, quelque chose qui gronde derrière l'idée de réparation. Réparer entre les humains, ce n'est jamais seulement un modèle mécanique comme réparer une voiture, une machine, un ordinateur, une machine à laver, en changeant une pièce par une autre. Réparer, c'est un désir insatiable de répondre au tort qui m'a été causé en infligeant un tort à l'autre, en allant jusqu'aux extrémités, par exemple, de la vengeance. La réparation entre les humains semble, dès le premier tort, dès la première rupture infligée à une relation humaine, quelque chose de potentiellement infini. C'est pourquoi entre ces deux extrêmes, entre l'extrémité d'un côté de la réparation mécanique, par la substitution d'une pièce en bon état à une pièce avariée, à une pièce défectueuse d'un côté, et de l'autre côté, l'idée, le désir d'une réparation infinie, d'un accomplissement, d'une continuation de la destruction qui m'a été causée par la destruction de l'autre, entre les deux. Les institutions, les sociétés, les juristes, les philosophes ont installé aussi l'idée de ce qu'on appelle une justice réparatrice, une justice correctrice. Nous en trouvons l'idée déjà chez les Grecs, chez Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, l'idée qu'il faut trouver une commune mesure, que bien sûr réparer un tort, ce n'est pas juste simplement mettre une rustine ou un pansement sur une plaie. Déjà, le pansement est peut-être plus qu'une rustine sur un pneu crevé, puisque l'être vivant souffre et d'une façon différente de la panne d'une machine. Mais réparer un tort qui nous a été fait, ce n'est jamais simplement mettre une rustine, mais on peut trouver malgré tout des systèmes, les institutions humaines l'ont fait pour éviter que le désir de réparation prolonge le tort causé, conduise à une guerre sans fin. Cette justice réparatrice, sur quoi repose-t-elle? Elle repose sur l'invention d'une commune mesure. Dans la modernité, c'est par exemple le calcul des plaisirs et des peines. Ainsi, à la peine que m'a infligé quelqu'un, la justice va-t-elle répondre par une peine rendue dans un tribunal, le même mot de peine qui désigne d'un côté la souffrance, de l'autre côté la punition, et on arrive à un calcul qui semble pouvoir apaiser les passions humaines sans pour autant revenir à la réparation mécanique. Pourtant, il y aura toujours quelque chose d'insuffisant dans la justice réparatrice, il va rester de l'irréparable, peut-être des torts sans aucune commune mesure. Comment peut-on réparer ce qui dépasse toute compensation? C'est le problème des grands crimes qui dépassent toute réparation possible en apparence et pour lequel il faut inventer d'autres remèdes.